Dimanche après-midi, le Canada a remporté une belle victoire contre la Russie. Ils tiraient de l'arrière 3-1 et ils sont revenus de l'arrière pour l'emporter. Évidemment, Alexis Lafrenière a été la grande vedette du match. Et on va parler avec l'instructeur adjoint de l'équipe Canada, André Tourigny. Bon midi, André. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Puis on est surmis de nos émotions. Ouais, tranquillement, tranquillement, pas vite. Je pense que c'est des beaux moments. On a fait de savourer les moments, mais en même temps, la vie continue. Ouais. Rester humble là-dedans, puis continuer. Moi, un mot que je retiens d'équipe Canada, c'est résilience. Absolument, absolument. Je pense que c'était... Je pense que humilité et résilience dans toutes les situations d'épreuve qu'on a eues, on n'a jamais senti l'équipe paniquer, on n'a jamais senti que les joueurs étaient dérangés par que ce soit les suspensions, les blessures, la maladie qu'on a eue dans l'équipe, ces choses-là. Je pense que les gars sont restés très even keel, très level dans leur émotion. Ça a porté fruit à la fin. Les gars ont resté focus puis étaient capables de revenir derrière. Et effectivement, qu'est-ce qu'on s'est dit lorsqu'on Alexis Lafrenière a été blessé? Est-ce que vraiment il y avait le moral était vraiment plus difficile ou vraiment là, l'équipe décide de se regrouper? Non, ni une ni l'autre. Je pense que c'est, comme j'ai dit, que ce soit blessure à l'AF, que ce soit la suspension avec les noms, que ce soit la blessure à Ayton, que ce soit la maladie qui a empêché Bo Byram de jouer en semi-finale, qui a fait que Dylan Cousin et Connor McMichael n'ont pas pu finir le match en semi-finale. J'ai jamais senti que ça changeait quoi que ce soit au reste de l'équipe. On avait une tâche à faire, tout le monde avait un rôle, puis tout le monde faisait ce qu'il avait à faire. J'ai jamais senti qu'il y avait de la panique ou de la frustration ou quoi que ce soit. La défaite contre la Russie 6-0, est-ce que c'est là vraiment que ça a vraiment aussi donné un bon coup de pied dans le derrière, quoi? Ça t'a aidé, ça? Ben, si tu prends juste ce match-là, on s'est fait botter le derrière. Oui. Lafrenière s'est blessé, Veleno s'est fait suspendre, puis il y a eu le Barrett Hayden qui n'a pas enlevé son casque pendant les matchs nationaux russes, qui a fait une grosse histoire. Il y a beaucoup d'adversité dans le même match, puis honnêtement, je pense que tout ça a fait que, regarde, on s'est regroupé, puis il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de moment où on a senti qu'il y en a qui voulaient débarquer du bateau, je pense. Les gars ont vraiment resté calmes puis ont retroussé d'ardeur. Puis ça a amené des bons résultats. Est-ce que le fait, il y avait quand même plusieurs joueurs qui n'étaient pas repêchés, donc des 18 ans. On dit que c'est un tournoi de 19 ans. Est-ce que au début, est-ce qu'il y avait une inquiétude, mais vraiment, là, oui, on peut dire inquiétude dans le cas d'équipe Canada, le fait qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui avaient peu d'expérience? Non, pas du tout, parce que on avait le choix. Ouais. Si on avait été inquiet, on ne nous aurait pas emmenés, on aurait pris d'autres. Ouais. On est dans un pays qui a beaucoup de profondeur. C'est la force du Canada, on a beaucoup de profondeur. On a un pays on a cette chance-là. Donc, si on a choisi ces gars-là, c'est parce qu'on croyait que c'était avec ces gars-là qu'on pouvait gagner. OK. Dites-moi, Alexis Lafrenière, il a vraiment confirmé son titre de numéro 1? Ben, c'est pas moi qui va décider, mais une grande confiance en LAF. J'ai eu la chance de l'avoir avec les moins 18 l'année d'avant. Définitivement que LAF, c'est un joueur d'impact. Il a juste confirmé ce qu'il était. Maintenant, ça va être aux équipes concernées qui vont choisir à ce rang-là de faire leur sélection. Mais écoute, je pense qu'il y a... S'il y avait des doutes, je pense qu'il y a dissous les doutes. Oui, effectivement. Parlez-moi de... Parce que les Saguenay de Chicoutimi ont fait l'acquisition de deux joueurs qui étaient dans votre équipe, Dawson Mercer et Raphaël Lavoie. Parlez-moi de leur implication durant le tournoi. Je pense que la première des choses, ces gars-là, c'est des gars qui ont beaucoup de caractère. Ouais. C'est des gars qui ont du caractère, qui ont été de l'offense, qui sont capables de jouer défensivement. Dans le cas de Nightcut Raph, c'est un gars qui a passé par là l'année passée, la Coupe Memorial. Il était très bon dans la série, il s'est rendu en finale. Dans le gars de Merce, c'est un gars qui a de la vitesse, qui a des skills, il a du caractère. Je pense que ça va être des acquisitions très importantes pour les Saguenayens. Je suis content pour eux autres, je suis content pour Yannick, je pense que c'est des grosses acquisitions. OK. Parlez-moi, à terminer de votre équipe, les 77 d'Ottawa, 15 victoires consécutives, ça va bien votre équipe? Ça va très très bien, on a un bon groupe de joueurs, on a un bon groupe de coachs, je pense qu'on a une bonne culture d'organisation. On a eu des blessés tout au long de la première moitié de saison, puis tout le monde a mis l'épaule à la roue, on a continué à performer, donc c'est positif pour ce qui s'en vient. Ben, André Tourigny, félicitations pour votre conquête de la médaille d'or. Puis au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci beaucoup. L'instructeur adjoint d'équipe Canada, André Tourigny.